Mani, les armes aux manies, ils ont pas le fascicule. Algérien comme Benzé, je suis dans la Benzo, tu connais le véhicule. Olazine est trop charmée, elle veut son gâté, elle a vu l'attitude. Monte à bord de l'avion, j'ai pris des ronds, on va prendre l'altitude. Les petits charbons pour du balmain, il pleut des balles même quand c'est la canicule. Y'a le mauvais œil qui marcelle, bébé c'est Marseille, tu connais le matricule. Quand je vais mal, ils sont ravis, pour toi c'est la vie, ouais j'ai pris l'habitude. Quartier 4 saisons, j'ai mes raisons, si j'ai besoin de solitude. Maman je suis fier comme baba, jamais je passerai aux aveux. Et pour m'évader là-bas, je mélange le shit et la beuh. T'es de harbi comme ça là, on en a fait du sale. Mais avec les yeux on triche pas, c'est cette vie sinon quelle vie. On a les disques d'or, on a du Gucci d'or. On rentabilise, rentabilise, on a pété le score. On a les disques d'or, on a du Gucci d'or. On rentabilise, rentabilise, on a pété le score. Je rentrais de chaud, je suis refait, un billet sur le côté. T'inquiète pas pour la mama, pour le petit frère l'avocat. Je rentrais de chaud, je suis refait, un billet sur le côté. T'inquiète pas pour la mama, pour le petit frère l'avocat. Est-ce qu'il intéresse, c'est l'Audi RS, c'est rempli la pellicule. Je connais par cœur la TS, j'ai des cas le S, prends mon snap et ta pub. Quartier Nord, cité Carter, me noter par terre devant tout le quartier. Audemars, Philippe Patek, dis-moi Psartek, si j'ai fait du papier. Je ralentis, j'ai les palettes, sur du chef Resni, j'ai fait le tour. La bécane frotte, la bavette, j'acquiche ta barrette, tout dans le four. Et madame voulait balis, je demande sa mano, j'arrêtais pas de zoner. Je sais pas combien de gens m'ont trahi, je deviens parano, comment les pardonner. Oui, les petits ont grandi. Sur le terrain comme Manny, c'est la mélodie des bandits, guitarisée comme Johnny. Elle veut Gucci et le Fendi, l'anneau sur le doigt et la Audi. Elle est chargée comme Akista, c'est cette vie sinon quelle vie. On a les disques d'or, on a du Gucci d'or. On rentabilise, rentabilise, on a pété le score. On a les disques d'or, on a du Gucci d'or. On rentabilise, rentabilise, on a pété le score. Je rentrais de chaud, je suis refait, un billet sur le côté. T'inquiète pas pour